C'est la chronique de la Ligue nationale avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Hey Marc, avant de parler du Canadien et de la Ligue nationale, moi je m'adresse au coach des Remparts. Dominique Ducharme a fait une entrevue sur le site de Radio-Canada. Martin Leclerc, il parlait du championnat du monde, puis il disait qu'il y avait de la gestion du téléphone cellulaire à faire, puis le téléphone intelligent, puis les médias sociaux, puis qu'il fallait absolument que garder le focus. Il y avait un travail de psychologie pour garder le focus des jeunes en raison du téléphone intelligent. Nous autres, Marc, on était pas mal dans le même âge, donc nous autres, les Facebook, puis les médias sociaux, puis tout ça, ça nous touche. Imagine-toi les jeunes qui sont nés là-dedans. Le coach des Remparts, as-tu bien de la gestion là-dessus à faire, des téléphones intelligents, les médias sociaux, garder le focus sur l'équipe? Tu comprends-tu ma question? Oui, c'est sûr et certain que tu as énormément de gestion à faire dans le sens que c'est des jeunes de 16 à 20 ans que tu dois éduquer. Hein? Ouais. Parce qu'eux autres, là, je te donne un exemple. Si les gars vont sur Twitter, puis qu'il y en a un qui va écrire quelque chose, l'autre va répondre de quoi, mais lui, dans sa tête, à l'autre, là, c'est qu'il répond seulement à une personne. Des fois, les jeunes ne réalisent pas qu'il y a peut-être 50 000 personnes qui vont regarder là qu'est-ce qui a été écrit. Là. Tu comprends-tu? Alors, c'est d'éduquer nos jeunes à ce que ce qu'ils écrivent dans les réseaux sociaux ou ce qu'ils lisent peut être lu et vu par plus de monde qu'ils pensent. Ça, c'est la première étape. Ouais. La deuxième étape, c'est sûr et certain que nous, là, on a une politique chez les Remparts, même que nous, on a fait faire un caisson spécial, okay, qu'on traîne avec nous sur la route et qu'on se sert également au centre Vidéotron, où ce que nous, le matin, quand les joueurs arrivent au centre Vidéotron pour l'entraînement, ils déposent leur cellulaire dans une boîte, okay, et puis ils vont pouvoir retoucher leur cellulaire seulement après l'entraînement, lorsqu'ils vont quitter le vestiaire et qu'ils s'en vont pour l'école ou qui s'en vont à leur pension. Okay. Ça, c'est à la maison. Quand on est sur la route, okay, puis qu'on arrive la veille, admettons, d'un match, ben nous autres, là, à 10 heures, les joueurs doivent venir porter leur cellulaire dans le boîtier. Et puis, pour le couvre-feu, notre qui est à 10 heures, le boîtier va être dans ma chambre, la boîte. Ils vont venir porter leur cellulaire dans la boîte, puis moi, je vais leur redonner seulement le lendemain matin lorsqu'on va aller déjeuner avec l'équipe. Alors, ça évite les joueurs sur la route de d'être sur leur cellulaire, d'être sur Twitter, d'être sur Facebook jusqu'à 1h, 2h du matin, puis qu'on peut pas contrôler leur repos. Alors, en faisant ça, ça les oblige à être disciplinés, puis nous, ça évite justement toutes sortes de débordements. Les joueurs l'acceptent-tu, comprennent-tu? Ou ça arrive souvent qu'il y a des frictions, ça peut arriver que ça se poigne même de ça, parce que... Non, c'est une politique d'équipe, les joueurs respectent cette décision-là, ils savent très bien du pourquoi qu'on fait ça, et puis non, il n'y a même pas de... Les joueurs savent, quand on arrive, bang, ils viennent porter leur cellulaire, ils ferment leur cellulaire, ils le mettent dans le boîtier, le lendemain, quand on arrive au déjeuner d'équipe, je ramène le boîtier, je rouvre ça, les gars prennent le cellulaire, puis c'est bien, bien parfait, mais ça fait partie de notre politique d'équipe à nous. OK, parce que, tu sais, Dominique Ducharme, il expliquait que, bon, que, tu sais, il fallait faire attention que d'écrire des affaires, puis que pour pas motiver l'autre équipe, puis, tu sais, dans votre temps, Marc, tu sais, c'était un joueur qui faisait une déclaration au journaliste, qui, je me rappelle entre autres de Daniel Bouchard, qui avait dit qu'il avait trouvé faiblesse à Patrick Roy, en 93, mais tu sais, c'était juste ça à guetter, là, mais là, c'est les médias sociaux, c'est tout. Là. Ça peut être un... Parce que eux autres, c'est un prolongement de leur corps. Hein. Écoute bien. Hein. Ah, c'est sûr et certain, mais écoute, c'est la réalité d'aujourd'hui. Nous aussi, on doit s'ajuster à ça en tant qu'entraîneur. Nous autres, on est dans la plus vieille époque, mais c'est sûr et certain que nous aussi, on a un travail à faire, puis d'accepter que le cellulaire fasse partie de la vie de ces jeunes-là. Puis nous autres aussi, Marc, dit... soyons honnêtes, on s'en sert énormément. Eh bien, surtout aujourd'hui, quelqu'un qui a la chance, admettons, d'être un travailleur autonome, qui, au lieu d'être pris au bureau, là, t'emmènes ton bureau avec toi sur la route, là. Alors, c'est sûr que ça permet une plus grande liberté là, d'avoir ce moyen-là. Et puis, ça fait partie de notre vie maintenant, exactement. OK. Marc, Canadien, c'est le bilan de mi-saison. T'es-tu d'accord avec Réjean Tremblay quand il dit, c'est sûr que Réjean, il va pas tendre envers les Canadiens, mais quand il dit que Marc Bergevin, il a entubé les journalistes dimanche? Ben moi, j'ai écouté l'entrevue de Marc. Ouais. J'ai trouvé effectivement que Marc avait été un peu maladroit dans sa façon de s'exprimer. Le connaissant, moi, c'est un gars qui est très honnête, qui est entier, qui va dire ce qu'il pense sur le moment présent. C'est sûr et certain que de dire aux partisans que je te donne un exemple là, de certains passeurs, mais qui dit on aimerait ça avoir un centre numéro un, mais on sera probablement pas capable d'aller en chercher un. Tu sais, au lieu de dire, écoute, en tant que directeur gérant, je vais tout faire en mon possible jusqu'à la dernière seconde de la date limite des transactions pour essayer de trouver ce joueur de centre-là qu'on a besoin. Tu comprends-tu? Juste de mieux formuler son message, ça aurait peut-être mieux passé, mais effectivement, j'ai trouvé que Marc avait été maladroit. OK. Mais, tu sais, on parle beaucoup de John Tavares. Puis là, les médias à Montréal s'enflamment. Puis ils pensent que. J'écoutais Mario Langlois. Puis pourtant, Mario, c'est un gars que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que Mario, il allait vraiment avec des suppositions. Tu sais, ils sont allés avec des déclarations de Jeff Molson qui parlait que Marc et Jeff Molson parlaient beaucoup de John Tavares. Puis ils ont sorti ça. Mais soyons honnêtes, là. Tu peux pas te. Puis là, les médias disent c'est peut-être le plan à Marc Bergevin, John Tavares. Soyons honnêtes, Marc. Tu peux pas te fier sur John Tavares, sur un joueur autonome qui va être courtisé par tant d'équipes, par plusieurs équipes. Ça peut pas être ton plan. C'est impossible, là. Tu sais. Je peux dire que si John Tavares, en tant qu'agent libre, le Canadien a une chance sur 29 de l'avoir parce que les 29 autres équipes, c'est sûr, qui vont. Ou bien là, on est rendu avec les autres. C'est pas sûr que les C'est long. 29 vont vouloir l'avoir, mais parce qu'il y a une question salariale, là. Oui, mais les 29 vont vouloir s'essayer de l'avoir, ça c'est Ouais, c'est sûr. ça. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir les moyens de l'avoir, mais tout le monde va aller au moins à la pêche. Puis aller voir qu'est-ce que ça coûte, puis essayer de voir si ça pourrait rentrer dans le budget. Tu ne peux pas passer à côté d'un joueur d'impact comme Tavares sans essayer au moins de faire un pitch, là, de voir si tu as les moyens de le faire ou non. Mais écoute, c'est pas le seul plan que Marc Bergevin a, je suis convaincu, là. Il n'y a pas juste un plan A, là. Tu te dois d'avoir plusieurs autres plans, mais à un moment donné, sont pas obligés là de dire tous les plans qu'ils ont puis sur qui court parce que justement si tu commences à dire ça publiquement les autres équipes ça va peut-être les allumer puis dire oh ouais c'est vrai ça serait une bonne idée puis là ben tu crées une enchère. Alors Marc n'a pas à dire sur qui il va focusser et sur qui il focus présentement, c'est juste que c'est sûr et certain que son travail est épié à la lettre et puis on attend des résultats de sa part. Les attentes sont très grosses, alors c'est Mais sûr oui. que c'est pas une situation évidente. Mais tu penses-tu sincèrement que. Parce que t'es vois comme moi, les médias sociaux, là, Marc Bergevin, il est très, très, très, très contesté. Tu sais, quelque part, les journalistes ont bien beau dire que Jeff Molson Marc Bergevin a l'appui de Jeff Molson, il y a un contrat jusqu'en 2022. Quand le Centre Bell va se vider, parce qu'on ne fera pas une série certainement, qu'il va avoir moins d'intérêt, quand que les gens vont gronder Marc Bergevin, puis comment peux-tu faire confiance, continuer avec Marc Bergevin? Ça va être dur. Oui, mais Marc Bergevin, là, Danny, là, Ouais. il est au courant de ça, là. Ouais. La journée qu'il a mis le pied dans l'organisation du Canadien de Montréal, là, il savait tout ce qui venait avec ça, là. Puis Marc, je suis convaincu, je sais que c'est un gars très émotif, là, puis c'est un gars qui, même si on voit sa carapace extérieure, c'est un gars qui est extrêmement sensible à l'intérieur. Mais Marc Bergevin, là, il sait très, très bien qu'il va être congédié, là. La Ouais. seule affaire qu'il sait pas, c'est quelle date. Ouais, c'est comme un Mais entraîneur, c'est la même affaire. ben oui, quand tu es engagé, là, tu es engagé pour être congédié. C'est sûr que tu vas être congédié. Ça se fait pas, c'est très rare. Tu vas le voir peut-être dans le football. Tu peux le voir dans le basketball, des entraîneurs qui vont être là à vie, là, spécialement dans le football, dans les universités, puis les collégiales, les collèges, les affaires là. Tu peux avoir un job à vie si tu veux. Mais sinon, là, dans le monde du sport professionnel aujourd'hui, c'est quasiment, c'est impensable de penser qu'un coach ou un directeur gérant va faire une carrière complète avec la même équipe. C'est très, très rare. Déception, surprise chez les Canadiens en première moitié. Gallagher des Ben, surprises. ouais, c'est Nicolas ça, c'est Deslauriers. Moi, j'aime mon. bien aimé Nicolas Deslauriers. Je trouve que c'est un Steve Bégin. Oui, mais tu sais, c'est pas Non, non, c'est sûr. un joueur de. C'est une belle note. Même Charles Hudon, moi, j'ai j'aime chapeau, Charles Tabarouette. Moi, honnêtement, je l'ai eu à Chicoutimi, puis tu sais, on voyait tous qu'il y avait le potentiel, mais tu sais, on n'aurait pas gagé notre maison là, que Charles aurait monté parce qu'il y avait deux éléments majeurs qui venaient à un peu compliquer les chances de Charles. C'était son coup de patin. Hein? Si je me rapporte à nos années juniors, là, son coup de patin n'était pas encore adéquat pour la Ligue nationale. Et Charles a vraiment amélioré cet aspect-là de son jeu qui lui a permis de monter en haut. Mais le deuxième aussi, c'était sa constance. C'est que Charles n'était pas constant dans ses matchs, dans ses efforts, où ce que certains soirs, on faisait Caroline, on aurait aimé ça qu'il soit plus, qu'il soit comme un peu à la Gallagher, si tu veux, dans son énergie et tout, avec le talent qu'il avait. Alors, puis là-dessus aussi, tu sais, Charles, il a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Alors, c'est tout en son honneur. Moi, je donne une belle note pour un gars comme ça. Dano, c'est un gars qui se comporte toujours bien. Gallagher et tout. Tu sais, c'est sûr que des déceptions, c'est les joueurs auxquels on a le plus d'attente. Tu sais, un Price, on a été déçu un peu, mais avec sa blessure, ça l'a pas aidé. Mais un Pacioretty, c'est probablement le joueur le plus décevant de par ses performances et de par son attitude. Tu sais, quand ton capitaine dit, bon, si j'ai été changé, je vais être changé puis j'irai ailleurs, au c'est lieu pas de digne dire, capitaine, moi, hein? Je suis tellement honoré d'être avec le Canadien, tellement honoré d'être le capitaine du Canadien que ce serait une grande déception pour moi de quitter l'organisation. Tu sais, je trouve que là-dessus, il était maladroit également. Alors, c'est sûr que quand tu as des attentes là-dessus sur ton capitaine, c'est sûr que c'est décevant. Puis Jonathan Drouin, on peut pas le mettre. Moi, je le mets pas dans les déceptions. Il joue pas il est pas dans la bonne chaise. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on le mêle complètement. Tu sais, le cas de Drouin, écoute, moi, ce que j'ai pas aimé à la conférence de presse, j'ai trouvé ça bizarre. Tu sais, quand Claude Julien dit, la journée qu'on va le remettre à l'aile, il va comprendre ses affaires au centre. Tu sais, ça faisait un peu bizarre, je trouve. Ouais, ça c'est tu l'as entendu ça aussi? Ouais, c'est sûr, mais le plus gros l'affaire là, comme on dit, qui a tout mêlé la patente là, en bon québécois là, c'est que si là Radulov et Markov restent avec l'équipe là, tout le monde tombe dans leur chaise. Et là ça change toute la dynamique, ça change toute la gamique là-dedans. Juste garder Radulov là, ça met Drouin dans une situation différente, ça met Pacioretty, ça met Dano, ça met tout le monde dans une situation complètement différente. Alors c'est sûr et certain que la plus grosse déception pour moi, c'était justement que Marc n'ait pas réussi à garder Markov et Radulov avec l'équipe. OK. Ben Marc, un gros merci, on se reparle très très prochainement. Ça fait plaisir, Dan. Notre collaborateur Marc Fortier.